Une méchante bombe est arrivée mardi soir. Ça venait tout juste de sortir au moment où on a acheté le podcast. On en a parlé vaguement avec notre collaborateur Hugues Fouché. C'est l'histoire concernant Brian Flores et les Dolphins de Miami. Là, il y a des développements qui sont survenus au cours des dernières heures. Et qui de mieux placé qu'Alain Poupart, qui travaille pour le Sports Illustrated, un Québécois en plus de ça, qui travaille pour le chez le Beat des Dolphins de Miami. Salut Alain! Salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est une méchante bombe dans la NFL. C'est toute la NFL, en fait, qui est écorchée ce matin. Moi, c'est l'histoire, sur le fond, probablement que Brian Flores a raison qu'il y a du racisme, là. J'en parlais justement avec Hugues Fouché. C'est pas normal qu'Éric Bieanni, qui est à Kansas City, n'a pas eu d'entrevue, ni Todd Bowles à Tampa Bay, qui n'a pas eu d'entrevue. Puis tu as un entraîneur sur quoi, 32 qui est noir, qui est de race noire. Ça, sur le fond, il a probablement raison, mais après, moi, c'est moi ce qui m'a vraiment vraiment surpris par après, c'est l'histoire de que le propriétaire des Dolphins aurait offert des bonus à Brian Flores pour qu'il perde 100 000 piastres de la partie. Si c'est vrai, là, c'est toute la NFL qui est écorchée, c'est la NFL qui est amputée, là. Oui, puis non, parce qu'il n'y a pas d'accusation présentement que Ouais. d'autres aient fait ça. Sauf que, non, je m'excuse. L'ancien coach des Browns de Cleveland, Hugh Jackson, a comme mentionné sur les réseaux de Ouais. médias sociaux qu'il y a eu le même genre d'affaires de son propriétaire quand il était coach des Browns. Et les autres équipes. Non, ça peut avoir des très grosses répercussions, mais surtout pour les Dolphins et Steven Ross, parce que si c'est prouvé, encore là, ça c'est présentement Il va y avoir une pour l'instant. enquête sûrement de la NFL. Il va sûrement avoir une enquête. Oui, mais non, s'il n'y a pas d'enquête, il y a un gros Ouais. problème à quelque part, Ouais. là. Parce que présentement, c'est la parole de Flores contre la parole de Steven Ross qui a lâché un communiqué de presse hier. Disant non, non, non, c'est pas vrai, puis comme tout insulté de l'accusation. Sauf que la grosse question, c'est est-ce que Flores a de l'évidence, soit des témoins, puis un reporter, pardon, mon français m'échappe, du NFL Network. Insider. Ouais, qui a dit que lui a parlé à quelqu'un qui a été témoin d'entendre Steven Ross faire l'offre spécifique de 100 000 piastres par défaite en 2019. OK. Et un des avocats de Brian Flores, une des entrevues à la télévision nationale mercredi matin, a lui aussi dit on a de l'évidence pour supporter les accusations. Si c'est vrai, gros, gros, gros problème pour Steven Ross. Puis peut-être ça risque le moindre de ses problèmes, c'est va être forcé de vendre les Ah Dolphins. oui, mais toi t'es sur le beat des Dolphins, tu te rappelles de cette année-là, est-ce que c'est logique? Bien, c'est logique. Écoute, ce qu'ils ont C'est fait, les... bon, en 2018, ils ont fini 7-9, quelque chose comme ça, avec Ouais. Adam Gase. Ils l'ont congédié, ils amènent Brian Flores. Puis là, ils parlent d'une période de rebâtissement. Ouais. Fait que là, ils se mettent à se débarrasser de vétérans avec des gros salaires à gauche et à Comme droite. qui se passe partout dans le sport professionnel, là. Jamais, jamais à ce point-là. Parce que OK, là, OK. écoute, j'ai fait ça, la recherche hier. Tu parles de Ryan Tannehill, Cameron Wake, Robert Quinn, Laremy Tunsil, Kenny Stills, Danny Amendola, Frank Gore, tu parles d'une douzaine de vétérans qui ont été soit échangés, relâchés ou laissés partir comme agents libres. Puis ce qu'ils ont eu en retour, c'est trois joueurs que je t'ai nommé, je te garantis que tu ne les connais pas, Ouais. puis des choix de repêchage. OK. Puis ce qu'on. Bon, ben là, tu regardes ça, moi je regardais ça de la manière, bon, OK, ça, c'est la logique ce qu'ils font. C'est une période de rebâtissement. Ils sacrifient la saison 2019. Ça va être bien faible leur affaire. Mais là, il y a beaucoup d'espace sur le plafond salarial. Ils ont des choix de repêchage en veux-tu, en v'là. Puis ils commencent les 4 premières parties. C'est 59 à 10, 43-0, OK. 31 à 6. C'est embarrassant, OK. là. Mais là, le problème, ce qui s'est arrivé, bon, puis l'une des choses qu'ils ont fait, ils ont fait un échange pour le carrière Josh Rosen, ils ont donné des choix de deuxième et cinquième ronde à Arizona pour Ouais, je m'en Josh rappelle. Rosen. C'était un choix de première ronde l'année précédente. Puis là, tu regardes, bon, hey, essaient de trouver leur carrière du futur, qui ont mentionné que c'est un des plats les plus importants, c'est de trouver une carrière du futur. Mais il y avait Tua dans l'époque aussi, là. Puis il y avait une pression, je pense, à Miami pour qu'on repêche Tua. Hein? Oui, mais écoute, laisse-moi en arriver ouais. à toi, là. OK. Bon. Puis, ce qui était derrière la scène à tout ce temps-là, c'est effectivement le Tank for Tua qui appelait. Ouais. Parce que Tua, en arrivant à la saison de collégial 2019, c'est lui le gros nom parce qu'il était à Alabama en 2018. Il y avait une saison spectaculaire. Que ce soit légitime ou pas, qui était le meilleur prospect au football collégial, c'est une autre histoire, ça. Mais là, ils vont chercher Josh Rosen. Puis l'idée, c'est comme, écoute, tu parles d'une équipe qui n'a pas eu une carrière vraiment de franchise là, depuis Dan Marino qui s'est retiré en mars 2000. Donc, c'est bien logique. Là, il commence le camp d'entraînement. C'est bien évident, bien clair que Josh Rosen, quand même, a des très belles qualités physiques. Il a un très gros bras. Il est grand. Il est capable de bouger. L'habilité de faire le processus des informations puis de ce que tu vois dans la pochette, pas là, pas en tout. Okay. Donc, il fait Ryan Fitzpatrick commence la saison comme partant. Ils se font planter contre Baltimore, ils se font planter contre New England. Donc, Ryan Forrest, il embarque Josh Rosen comme partant la troisième partie à Dallas. 31-6, 30-10 la semaine suivante contre les Chargers. Là, ils ont leur bail. Contre Washington, la partie suivante, c'est 16-3. Pardon, il tire l'arrière 17-3 au quatrième quart. Flores, il dit, moi, je suis tanné de voir Rosen. J'embarque Ryan Fitzpatrick dans la partie. OK. Bon, grosse erreur. Ils perdent cette partie-là 17-16. Quasiment remonté pour faire la victoire, sauf que là, il commence à être compétitif. Il n'était pas compétitif, pas pantoute, les premières parties. Là, il commence à être compétitif avec une équipe, pas de talent, pas pantoute. Mais en grosse part, parce que Brian Flores, c'est un bon coach. Ouais. Là, les semaines suivantes, ben, ils sont encore plus compétitifs. Puis là, boom, éventuellement, ils gagnent une partie, ils en gagnent une deuxième. Puis pendant ce temps-là, Cincinnati, qui a Andy Dalton comme vétéran, comme carrière, eux autres, ils commencent ça 0-11. Ouais. Fait que là, les Dolphins ont perdu le grasp sur le premier choix repêchage. OK. Donc, ouais, c'est ça qui est. Donc, Flores, quelque part, c'est un peu pour ça. Puis parce que les relations ont été tendues après ça avec Flores et la direction des Dolphins. Est-ce que tu penses que ça a parti là? Bien, c'est ça que Flores a dit. Flores a dit quand j'ai refusé d'accepter cette offre-là. J'ai pas été traité de la même manière, puis c'est comme c'était inévitable que c'est ça qui a amené à mon congédiement. Mais le problème, effectivement, comme la dernière échange qu'ils ont faite, la dernière grosse échange qu'ils ont faite en 2019, c'est le 1er septembre, qui était comme une semaine avant le début de la saison régulière, quand ils ont échangé Tunsil à Houston. Puis il n'y a pas personne qui peut vraiment blâmer les Dolphins pour avoir fait cet échange-là. Ils ont eu deux choix de première ronde, deux choix, ils ont eu un échange là. Ils en ont eu en vue de l'enveloppe. OK. Puis la conférence de presse suivante, Flores, il a été demandé, je veux dire, point blank, là, de façon très directe, est-ce que les Dolphins sont en train de tanker? Puis le regard que Flores a gardé, c'est comme si tu avais insulté sa femme et sa famille. Non, j'ai vraiment trop de respect pour le sport pour faire ça. Puis la manière qu'il a coaché, absolument aucun doute qu'effectivement, non. Puis le fait qu'ils ont gagné 5 parties avec une équipe où le talent disait que logiquement, t'en gagnes 2 ou 3, c'est une très bonne job pour le coach. Là. Donc, ouais, il a coaché une très grosse job de coach pour que les Dolphins finissent 5 ans, sauf que le problème, puis encore là, ça, c'est une des faiblesses du repêchage de la NFL. Une loterie. Où ils récompensent la pire équipe. Ouais. Là, ils ont perdu. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que si l'idée, c'était Tank for Tua, bien, ils ont eu la possibilité d'avoir Tua dans le repêchage de 2020, sauf que rendu à ce temps-là, c'est très évident que Joe Burrow, c'était un meilleur prospect. Ouais. Ouais. Parce que la saison de 2019, sauf que Burrow, c'était pas un gros prospect avant cette saison-là, mais la saison 2019, si tu regardes LSU cette saison-là, complètement capoté comme la saison qu'il y a eu. Puis là, les Dolphins étant les Dolphins, même en ayant seulement le 5e choix à repêchage au lieu d'avoir 1, 2 ou 3, il y avait même là le choix de toi ou de Justin Herbert. Sauf que pas toutes les les dépisteurs professionnels étaient vendus sur l'idée de Herbert, malgré le fait que c'est 6 pieds 5, qui court bien, puis un très bon bras. Puis les Dolphins, évidemment, ils ont choisi Tua, qui maintenant, c'est très clair que c'est la mauvaise décision. OK. Là, donc la suite des choses, il va y avoir enquête. Ils auront pas, si jamais ils réussissent à prouver que Brian Flores a dit la vérité, il n'y a pas le choix de vendre. Hein? Pas le choix d'enlever le club. Et... Ben logiquement, puis on... C'est l'intégrité de la Ligue qui est durement attachée, là. Oui, mais non seulement ça, mais à cause qu'il y a du gambling d'impliquer dans les parties de football, si tu fais une offre à ton coach pour perdre des parties par exprès, là, moi je te dirais qu'il peut avoir des problèmes légaux en plus. L'Esfer est obligé de vendre l'équipe, là, il peut avoir des problèmes avec la loi avec ça en plus. Ben oui. Là, ça risque d'être bien laid, mais ça logiquement, ça va prendre du temps avant que tout se dénoue, là, mais ça risque d'être bien laid. OK. Là, je voudrais te parler de ces accusations qu'il a faites de racisme. Tu crois de ça? Moi, j'y crois. Je trouve ça pas logique. Du racisme dans les embauches des entraîneurs. Ouais, je trouve pas ça logique. Il n'y a aucun doute. Ouais, hein? Mais le problème, c'est ça, il n'y a absolument aucun doute. Puis son point qu'il y a beaucoup d'équipes qui font des entrevues pour la position avec des candidats noirs, strictement pour adhérer à ce qu'il appelle le Rooney Rule, là. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça, mais le problème, c'est absolument aucun doute là-dessus. Aucunement. Fait que oui, il y a un problème qu'on parle là. Puis on t'a mentionné qu'il y a seulement un coach noir. Ben, il y en a maintenant 5 là, avec tous les reportages que Kevin O'Connell va avoir le job au Minnesota. Ouais. Il y en a maintenant 5 qui sont fait engager. Puis pas d'entrevue, là. Todd Bowles. Oui, mais attends une seconde. Il y en a 5 qui sont fait engager. Ouais. Cette saison-là, présentement, les 5 sont blancs. Ben oui. Donc, fait que, tu sais, Todd Bowles, je ne me trompe pas. Oui, je crois qu'il y a eu une entrevue. Byron Leftwich, une entrevue. Oui, Byron Leftwich. Eric Bien-Aimé, non. Ouais. Parce que je sache. Non, excuse-moi, Bien-Aimé, il y en a une. Je ne me trompe pas avec Denver. OK. Mais c'est pas une situation facile. Il y a une couple de problèmes qui sont là. C'est que numéro un, est-ce que tu peux vraiment, en autant que tu peux remarquer puis voir clairement qu'il y a un problème, est-ce que tu peux vraiment forcer une équipe à engager un coach noir, numéro un. Ouais. Numéro deux, un des gros problèmes qu'il y a en plus, c'est que tu n'as pas un propriétaire qui est noir. C'est tous des propriétaires, c'est tous des blancs. Effectivement. Là. Mais là, il n'y avait pas la loi là, du 2, mais c'est une loi bidon un peu. Il l'a dit, pas Tobo, mais Flores a dit John Elway. Tu voyais qu'il faisait juste ça pour ramper, il n'était aucunement intéressé à lui. Là. Donc, cette loi-là, ça vaut quoi si c'est pas pour sérieux? C'est juste pour bien pareil? C'est une loi avec des bonnes intentions, mais ouais. qui a vraiment aucun effet. Si on veut être bien franc, là. Okay. Non, puis c'est comme je l'ai dit, 70% des joueurs sont noirs, puis t'as un noir. Oh, puis en passant, le coach noir, on va-tu régler pour c'est, mettons, d'un des trois meilleurs coachs dans la ligue, là? Ça fait 15 ans qu'il est là, il n'y a pas eu une saison perdante encore, là. Mais non, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu penses que c'est la fin de Brian Flores? Parce qu'on a vu l'histoire de Colin Kaepernick. C'est pas normal que Colin Kaepernick ait jamais rejoué dans la NFL après ses accusations. Tu penses-tu que c'est la fin de Brian Flores? Oui, mais c'est deux situations différentes. Moi, ce que je te dirais, puis ce que j'ai dit depuis tout le temps, c'est pas nécessairement que les propriétaires veulent rien savoir de Colin Kaepernick à cause de ce qu'il a fait. C'est que les propriétaires veulent rien savoir avec l'idée d'avoir à dealer avec certains de leurs partisans parce que, tu vas dire, fatiguant ou pas, là, il y a beaucoup de gens racistes aux États-Unis. Mm. Il y a beaucoup de gens racistes qui sont très amateurs de football. Ben oui. Puis, si je me rappelle bien l'histoire, le Baltimore avait flotté l'idée de signer Kaepernick. Puis, il y avait eu toutes sortes de brouhaha, juste l'idée qu'il signe Kaepernick. Il y avait bien des fans qui ont fait de la merde, comme on dit, puis ils ont comme décidé ça vaut pas la peine. Puis okay. C'est de même. Moi, c'est ça que je te dirais. Flores, c'est une autre situation. Je pas nécessairement convaincu que si une équipe l'engageait, que tu aurais le même genre de réaction des fans parce que c'est un coach. Mais ayant dit ça, bonne question. Écoute, je peux te dire que Flores est très conscient du fait qu'il a peut-être flambé sa carrière Mais ça, avec je pense qu'il sait d'ailleurs. Il est Oui, il conscient sait, de puis ça. il est prêt. Il est prêt à le faire, puis il a comme dit, si il faut sacrifier ma carrière pour qu'il y ait un changement qui se fasse, ça va valoir la peine. Mais là, regarde, il y a des connexions avec le gérant général, puis une autre personne très haute dans l'organisation des Texans de Houston. Oui, c'est vrai, j'ai Il a entendu. fait une entrevue, il a fait deux entrevues avec eux autres. Mais supposément que leur premier choix présentement, ce serait Josh McCown, un ancien corps arrière qui n'a jamais été coach, soit au secondaire, au niveau collégial ou dans la NFL, qui ça donne à être blanc. Est-ce que c'est possible qu'ils vont changer leur idée et ils vont engager Flores? Peut-être. C'est sûr que tu as la NCAA aux États-Unis qui est aussi. Moi, je pense que s'il si ne se trouve pas un job dans la NFL, ce gars-là va être coach dans la NCAA, aucun doute là-dessus. Puis c'est aussi bien payé sinon, que la NFL. Il y a toujours cette porte de sortie-là. Oui, mais c'est pas différent. C'est bien différent, le football collégial. Ouais. C'est pas tous les gens qui veulent, tous les coachs qui veulent aller cogner à la porte des Morlocks de 16-17 ans pour les supplier de venir jouer à Non, ton il équipe. faut que tu sois un bon vendeur. Ça, c'est sûr et Puis certain. l'autre chose, non, mais c'est pas seulement pour que tu sois un bon vendeur, il faut aussi que tu aies le désir de faire ça. Puis c'est pas tout le monde qui a ça. Numéro un, puis numéro deux, Brian Flores, ça fait à 2004, ça fait quasiment 20 ans qu'il est dans la NFL. Pas convaincu, moi, que ça va être tenté d'aller faire dans le cas. Mais écoute, c'est pas impossible qu'il vous fasse engager comme entraîneur, Ben moi, donc, je le vois comme successeur à mes pattes, je le vois le successeur à Belichick éventuellement. Tu sais, t'as-tu surpris de voir McDaniels avec les Raiders? Moi, ça m'a surpris parce qu'on va dire une affaire. Un, ça n'a pas été un succès à Denver. Et deuxièmement, avec toute l'histoire avec les Colts d'Indianapolis, là, moi, j'étais sûr qu'elle allait être barrée plus 100 ans. T'as-tu surpris? Moi, ça m'a surpris. Les Raiders, c'est une équipe que j'aime beaucoup aussi, là. je te dirais qu'au début de la conversation, moi, il m'aurait semblé que la chose à faire, ça aurait été de réengager leur coach Ben intérim, oui, là, il était très bon, là. pour faire les playoffs. Ouais. Puis dans des conditions pas faciles, là, John Gruden, l'histoire de Gruden, deux choix de première ronde, toute l'histoire des choix de première ronde, je pense qu'il aurait mérité une autre, une moins bonne chance, là. Oui, puis je peux te dire que non seulement ça, je peux te dire que d'après ce que j'entends dire de À Las Vegas, Jacksonville? il était à Las Vegas, il coachait à Las Vegas, les Raiders. Non, je te parle de l'ancien coach des Raiders, moi, Rich Oh, Bisaccia. oui, je te parle de lui, ouais. Bon, OK, non, mais je peux te dire, moi, de ce que j'entends dire de Las Vegas avec mes collègues, c'est qu'il est adoré par les joueurs. OK. Fait que tu as ça numéro un, tu as numéro deux, tu as eu les résultats parce qu'ils ont fait les playoffs dans des circonstances pas mal difficiles. Moi, il me semblait que c'était la chose à faire. Josh McDaniels, je peux te dire qu'il a une réputation au travers de la ligue comme étant un génie offensif. Pas très bon. Il a même mentionné à sa conférence de presse que moi, il a dit ce que j'ai appris. Ce que je ne savais pas quand je suis allé à Denver, c'était comment dealer avec les gens, mais je savais un peu de mon football. Écoute, tu vas me dire que maintenant, c'est rendu. Il est capable de dealer avec des gens. Alain, Pas convaincu. gros gros merci encore une fois. Puis merci pour hier, pour le petit service que je t'ai demandé. Fait que merci de ta grande générosité. Puis on va certainement s'en reparler. J'ai l'impression que c'est pas fini ce soir-là. Ben regarde, arrêtez de Tom Brady à passer en deuxième, là. NFL Network est juste là-dessus. Puis c'est toute la NFL qui. C'est un gros test de leadership pour Roger Goodell aussi. C'est pas le plus grand leader, là, Roger Goodell. Fait que j'ai hâte de Oui, voir mais comment il va. sa job à Goodell, c'est comment l'expression anglaise, c'est de recevoir les flèches quand les gens sont fâchés contre la NFL. Puis il fait très bien sa job, puis il se fait très bien payer pour ça. Ouais. Ben allez, on va s'en reparler très très bientôt. OK. Alain Poupard de Sports Illustrated.